www.radiofréquence.com. À bientôt. Ce vendredi 23 août 2013, bienvenue à l'émission Le Terminus, Jean-François Lusignan avec vous pour la prochaine heure, pour une heure de rock indépendant, un peu de grunge, un peu de rock alternatif, shoegaze et tout ce qui tourne autour de ça. Ce soir, un peu spécial, émission un peu spéciale parce que c'est la dernière émission en direct pour un vendredi soir dans la case du vendredi soir, parce qu'à partir de, eh bien, il reste encore 2 semaines à la programmation régulière d'été, mais il y a des événements. Comme par exemple le vendredi prochain, diffusion en direct du Festival de musique émergente en Abitibi, Témiscamingue. Donc l'émission prendra une petite pause également la semaine suivante. Ce sera les Carabins qui seront en direct à CISM. Donc on prend une pause pour 2 semaines. Et ensuite, ce sera le début de la programmation d'automne de CISM. Et changement d'horaire, après 3 saisons, le vendredi 21h, l'émission Intermus va maintenant être diffusée le lundi à 19h. On va avoir l'occasion de s'en reparler à ce moment-là. Donc, je vous invite à être là. C'est de le 9 septembre à 19h pour la prochaine émission du Terminus. Pour ce soir, j'ai pour vous musique de El Napoleon, Destruction Unit, Slur Bears, Françoise Breu, Eagles of Death Metal, également El Vigor et pas mal d'autres choses. On va commencer avec, encore une fois, 3 nouveautés. 3 trucs assez nouveaux. Donc, on débute avec Best Friends, une formation de Sheffield en Angleterre. Ils font une espèce de pop garage assez efficace, vous allez voir ça. Et Best Friends sort un 7 pouces en septembre prochain, dont une des chansons est déjà en écoute sur Bandcamp. C'est celle qu'on écoute également dans les prochaines secondes. Ça s'appelle Happy Anniversary de la formation Best Friends. Sides and flow away. Your favorite game to play. Now the tremble of your knees. And your hands begin to freeze and lose the hold. I found them growing old. We'll be right back. disque tiré du nouvel album de Crocodiles qui sortait mardi dernier. Et c'est déjà le quatrième album quand même pour le groupe depuis 2009, donc si on compte 2013, donc ça fait un album par année. Et pour cet album-là, ils ont fait appel à Sun Rose Wagner, un des deux, le gars en fait, dans les Ravenettes pour réaliser l'album. Et ça paraît quand même dans le son de cet album de Crocodiles. Juste avant, c'était un autre album très attendu qui est arrivé également cette semaine, c'était celui de No Age qui s'appelle An Object, et vous avez entendu la chanson I Won't Be Your Generator. Et je crois, si je me trompe pas, que l'album va même faire son apparition sur le palmarès de la station à partir de la semaine prochaine. Donc, vous risquez encore d'en entendre quelques chansons prochainement à CISM. D'ailleurs, en parlant de CISM, si vous voulez retrouver la liste des chansons qui tournent pendant l'émission de ce soir, ça va se retrouver dans quelques instants après l'émission sur le CISM 893.ca. On va continuer avec des choses un peu plus, peut-être, qui vont graffiner un petit peu plus, même un peu plus punk. Et ça paraît que l'automne s'en vient parce qu'il y a beaucoup de nouveautés encore qui arrivent ou qui commencent à arriver. Et on va y aller maintenant avec un groupe de Toronto qui sort un album le 13 septembre. L'album va s'appeler Singles Don't Sell et ça va sortir sur le label de Toronto toujours, Telephone Explosion. C'est la formation Teenager, la chanson qui donne son nom à l'album, donc la chanson Singles Don't Sell sur les ondes de CISM à l'émission Le Terminus. Yeah. Acid Lizard de la formation El Napoleon, qui est un nouveau groupe local qui est formé d'anciens membres, entre autres de Final Flash et El Napoleon. Ils lançaient eux une cassette le 3 août dernier. Ils s'étaient précédés de Destruction Unit, un groupe qui vraiment porte bien son nom, et leur chanson The World on Drugs. Ils seront d'ailleurs en spectacle à Montréal le 9 septembre à la Turbo House. Et c'est pas mal ça. On va un peu quitter le punk garage psychédélique pour quelque chose d'un peu plus, je pourrais dire, rock alternatif, avec un groupe de Kingston en Ontario. Il s'appelle Slur Bears et on va entendre la chanson Your Records. Ce sera suivi de Fête Nat avec Plymouth ou Plymouth à Munich. Tout ça sur les ondes de CISM, le 89.3, l'émission Le Terminus. Thank you. C'était Lost Boy avec Chew, qui se retrouve sur l'album USA USA. Et avant Monsieur Lost Boy, vous avez aussi entendu la musique de Gene Boots et la super jolie chanson Asshole. On va continuer avec deux chansons en français, avec même des trucs même de France. Vous allez entendre dans les prochaines minutes du Stéréo Total, mais pour commencer, du Françoise Breu avec La Certitude à l'émission Le Terminus. Thank you. Peace, Love, Death Metal, c'était Echoes of Death Metal avec I Only Want You, une chanson et album qui remonte quand même à 2004. Et avant ça, il y avait aussi dans le dernier segment du Stéréo Total avec La Douce Humanité, et ça avait commencé ce segment-là avec du Françoise Breu Il nous reste une dernière chanson, cette fois-ci d'un groupe qui vient de Toronto. Ils seront à Montréal le 4 septembre prochain en compagnie de Dirty Beaches. Beaches comme dans les plages au pluriel. On écoute tout de suite le groupe El Vigor avec Lobotomy et ensuite on se parle pour le mot de la fin. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Le Terminus sur CSM. Movie Gore avec Lobotomy. Ça se retrouve sur le EP Sex Static qui est sorti quelque part au mois de juin dernier. Je t'ai dit une oreille, sinon reste à l'écoute dans quelques instants. Zika Mendes s'en vient avec l'émission La MyFi. Pour retrouver la liste des chansons et réécouter l'émission, ça se retrouve sur le CISM893.ca dans quelques instants. Sinon, les archives de l'émission, elles se retrouvent sur leterminus.ca. Et je vous rappelle que pour les deux prochaines semaines, l'émission Le Terminus va faire relâche pour laisser place à des émissions spéciales. On sera de retour à partir de la saison d'automne qui débute le 9 septembre et qui va aussi coïncider avec un changement de case horaire pour l'émission. À partir donc du 9 septembre, le lundi, on va maintenant être donc le lundi à 19h. Donc, c'est un rendez-vous à ce moment-là. Case horaire est quand même assez spécial, hein, qui était occupé cet été par l'émission de Claudia Boutin, Coucou Betty, et auparavant, pendant plusieurs années, par une institution ici à CISM, l'émission de Pascal Jean, Rock Thérapie. Alors, ça sera quand même une case horaire assez grande, des souliers assez grands à remplir, si je peux dire ça. On va se quitter avec quelques secondes de la musique de Monster Movie. Sinon, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Je m'appelle Jean-François Lusignan et on se retrouve donc dans 2-3 semaines pour la suite de l'émission Le Terminus. Ciao! SiriusXM présente le 11e Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda. Au programme cette année, Long Redder, Voivode, Roméné, Random Recipe, Mr. Valère, Rachel Coin, Big Low Abortions, No Endman, Soul, Dead Obese, Mononc Serge et plusieurs autres. Pour plus d'informations sur la programmation, consultez le fmeat.org. Venez vivre l'expérience unique dont tout le monde parle et faites le plein de découvertes musicales au Festival de musique émergente du 29 août au 1er septembre prochain. Facile de reconnaître l'une des plus belles terrasses à Montréal. Surélevée, couverte comme ouverte, sous le soleil comme sous les étoiles, la terrasse du Tabasco Bar vous en fera voir de tous les styles, toutes les grandeurs et toutes les couleurs. Venez vous désaltérer avec notre nouveau menu d'été, un crostini, une salade ou une gazpacho. Rafraîchissez-vous avec un de nos tout nouveaux cocktails maison. La Saint-Mélanie, le rêve, le pédicule, le Miami Vice. Tabasco Bar, resto, billard, lounge, club et terrasse. TabascoBar.com. Rendez-vous du 25 au 29 août au Festival de musique juive de Montréal. Avec les artistes Sokol, Briga, Sergio Popa, Stremol et beaucoup plus. C'est de la musique juive à travers le monde telle que vous ne l'avez jamais entendue. Du 25 au 29 août à la Sala Rossa et l'Upstairs Bar. Info et billets disponibles au www.montrealjewishmusicfest.com. www.montrealjewishmusicfest.com. À bientôt! Thank you. 89.3 FM. Dépêche Mode au centre-ville.